Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, l'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Première chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. De mon chum Frédéric Degg, l'histoire que tu racontes, ça m'est revenu, le nom m'est revenu, Phil Dorfin, évidemment, dans l'échange. Mais c'est là que ça prouve, à quelque part, que le fait que tu n'as pas... Tu sais, tu racontes dans l'histoire que tu avais appelé Claude Brochu, tu étais furieux, on voulait t'envoyer dans le A, puis Claude Brochu a dit finalement j'en ai parlé avec Kevin Malone, puis ils peuvent rien faire. À quelque part, c'est là que ça prouve que les expos ont pas fait nécessairement le maximum d'efforts pour amener des Québécois. Hein? Ben, tu sais, c'est qu'on n'a pas introduit une culture de se dire, si on a un gars local, on est-tu capable, là, sans lui donner, tu sais, à force égale, je parle, tu sais, je parle pas d'un gars qui n'a pas de calibre, je dis à force égale, on est-tu capable d'entourer ces gars-là pour voir ce qu'ils sont capables de faire à un niveau, tu sais, un niveau élevé, puis, écoute, tu pourrais avoir des belles surprises, là, tu sais, si jamais ces gars-là, rendus à l'2A, ben... Ils exploitent leur force, soit qu'ils frappent des circuits, ou ils volent des buts, ou ils lancent des manches, ou ils retirent les gars sur des prises. Ouais. Ben, il me semble que tu as tout à gagner à le faire. Je dis pas que si tu retardes. Tu sais, moi, j'étais là à l'époque de Cliff Floyd puis de Rondell White. T'avais Curtis Pride également. C'était Curtis Pride aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on est tous sur un terrain de balle, on n'est pas fous, là. On voit que ces gars-là, ils sont bons, ils sont supérieurs. OK, parfait, mais. Toi, t'es pas loin derrière, puis t'essaies de te positionner là-dedans, puis t'essaies de... Mais, tu sais, puis là, tu te dis, ben, peut-être le petit avantage que je pourrais avoir, c'est que l'organisation derrière va appuyer, mettons, ce que les gars du Québec peuvent faire. Puis comme je me répète souvent, mais à talent égal, là, je parle pas, encore une fois, de prendre du temps de jeu d'un gars qui le mérite plus. Alors, c'est sûr que c'est une histoire, j'étais un peu, entre guillemets, désespéré, tu sais, en me disant, là, écoute... Je vais l'appeler Claude Brochu. Moi, j'ai eu l'occasion de faire les caravanes des expos. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde à l'intérieur de l'organisation. Puis là, j'ai vraiment ça ce que j'ai fait. J'ai dit, écoutez, si je vais dans le 2A, puis je vais me donner 400 présences au bâton, puis je vous vole 40, 50 buts, puis que je frappe entre, je sais pas moi, 280 puis 310. Surtout qu'Ottawa devenait la filiale 3 des expos. Fait que là, il y avait un rapprochement. Il y avait quelque chose de le fun pour aller jouer au niveau 3. Et finalement, c'est pas du tout le genre de réponse que j'avais anticipé de la part du président à l'époque de l'équipe. Ça m'a mis la main à l'idée là, de prendre ma retraite à ce moment-là. C'est la même affaire qu'avec Alex Agostino. Alex Agostino raconte dans le livre qu'il n'y a jamais eu de rencontre de dépisteur à Montréal. Donc, De tout le livre, j'ai adoré l'histoire. Il y a plein d'histoires de fun là-dedans, là, vraiment. Là, c'est... Mais moi, j'ai vraiment aimé celle d'Alex parce que c'est profond ce qu'Alex dit. Là. On rentre vraiment à l'intérieur de l'organisation au niveau décisionnel. Puis là, tu te dis, tabarouette. Fait que je te dirais que son histoire complémente beaucoup la mienne sans qu'on se soit parlé, évidemment. Là, fait que ça coïncide beaucoup avec. Encore une fois, la culture d'entreprise. Je pense que si les expos reviennent un jour, Danny, l'important, c'est d'apprendre ce qui s'est passé au cours des 36 années de la première époque des expos, puis de ne pas répéter certaines erreurs qu'on a faites, incluant le développement des joueurs locaux. Puis locaux, je parle du Canada, là, je parle du Québec, oui, mais il y a aussi le développement canadien qui peut être bien, bien le fun, mais qu'on a semblé vraiment, vraiment négliger. Surtout qu'il y a des hommes maintenant. T'sais, un gars comme Alex Agostino pourrait très bien être un adjoint au directeur général. T'sais, il a les compétences pour faire ça. Là. T'sais, Très certainement. Puis, tu sais, on aurait pu le former. Ouais. Tu sais, si les expos existaient encore aujourd'hui, là, tu formes un gars comme Agostino, puis absolument peut devenir. Regarde, Alex Antopoulos, là, je veux dire, une autre histoire qu'on aurait pu raconter dans le livre, c'est qu'Alex, Alex était notre statisticien à la radio avec moi puis Jacques. Tu sais, ah, si maintenant, là, j'avais une. Ah oui, ben oui. Ben, notre statisticien, c'est pas notre statisticien, c'est celui qui allait imprimer nos statistiques. C'est encore pire. OK. Hey, écoute, des fois, genre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet vraiment. Oh, fait que là, on se faisait photocopier nos statistiques. Là, ça arrivait, des fois, il y avait une erreur. Je sais pas, la page n'a pas imprimé comme du monde. Alors, qui qu'on allait voir? Je me retournais, puis je faisais un petit signe à Alex, qui descendait, du question Marc. Je dis, écoute, peux-tu me réimprimer les statistiques des Mets, par exemple? Pas de problème. Il partait, il revenait me donner ça, il avait besoin de quelque chose. C'est Alex Antopoulos, ça, qui est rendu, tu sais. Ça donne une idée à quel point on peut, tu sais, si on veut, on peut. Il y a un avancement qui peut être créé si on veut vraiment. Puis je trouve ça dommage pour certains d'entre nous, je dirais, parce que si les expos étaient restés, j'ose espérer qu'on aurait pu avoir des gars à des positions clés dans l'organisation. Mais c'était pas Brian Burgess qui travaillait avec vous qu'on n'entendait pas? C'était Brian Burgess qu'on entendait? Brian était le régisseur. Brian était celui qui s'occupait de la mise en onde, c'est vraiment... Tandis que lorsqu'on était au Stade olympique, ben il y avait Monique Giroux avec PJ Loyello qui s'occupait des relations médias, mais ça serait toujours le gars qui... imprimait les feuilles, les notes de presse, les notes d'équipe, les line-up, les ci, les ça. Et à un moment donné, ben Alex, qui ouvrait le courrier de Vladimir, c'était son premier emploi, il ouvrait le courrier de Vladimir. Et par la suite, ben Monique Giroux s'est dit, hey, écoute, si ce petit gars-là, il est prêt à faire d'autres heures, moi, j'ai besoin d'aide. Fait que c'est comme ça. Puis c'est là qu'à un moment donné, il est allé dans le bureau de Fred Ferreira, à un moment donné, parce que les bureaux de... du développement des joueurs était à Montréal, puis là, il a insisté, puis à un moment donné, on a dit, ben écoute, on va lui donner une chance, puis c'est toute une histoire. S'il y avait un autre livre à écrire sur les expos, je vous dirais qu'Alex Antopoulos, vraiment, ça serait une histoire tout à fait exceptionnelle, à la limite de faire un film, je te dirais. À la limite, certain, quand on regarde ça. Marc, on va parler des Blue Jays, on va parler d'autres Québécois, il y en a un, moi, je suis beaucoup les filiales des Blue Jays, puis j'aime ça suivre ça. Puis Otto Lopez, 13 matchs avec au moins un coup sûr dans son cas actuellement. Il frappe pour pas loin de 400. Ce gars-là, je pense que... J'en parlais avec Jasmin Roy cette semaine, qui était le dépisteur de l'organisation des Blue Jays. Ce gars-là, ce n'est pas nécessairement une vedette dans le baseball majeur, mais un maudit bon joueur d'équipe, utile à son équipe. Le fait qu'il s'est développé à jouer à plusieurs positions. Et puis des mains. Ouais. Tu sais, tu parles de son coup de bâton, mais le gars a des mains, là. Ouais. Non, écoute, c'est... C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On a un gars comme Charles Leblanc qui connaît un beau succès présentement au niveau 3 avec les Rangers. Mais c'est vrai qu'Otto va super bien, frappe bien, encore une fois polyvalent. Écoute, je serais pas surpris que ce gars-là, il a joué plusieurs matchs préparatoires à l'entraînement aussi avec la grande équipe. J'ai l'impression que c'est un nom à retenir. En septembre? Ben, c'est ce que j'allais dire, plus tôt ou plus tard, tu sais, c'est pas un gars, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu à l'entraînement, il continue de travailler fort puis d'avoir de bons résultats au niveau des ligues mineures. Ce gars-là est en train de s'arranger pour se faire connaître davantage. Moi, je trouve que c'est une autre belle histoire en ce moment pour le baseball québécois. Oui, effectivement. Puis il parle aussi bien français que moi puis toi. Là. C'est ça que puis j'essaie d'avoir... C'est un vrai... Non, oubliez son nom. Là, parce que c'est pas... C'est comme moi, là. Tu sais, qu'un Mark Griffin là, qui se présentait, là. Je veux dire, c'est ça. Alors, c'est la même affaire dans le cas d'Otto. Puis, j'écoute, on lui souhaite tellement, tellement. Ouais, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais ce gars-là est vraiment à la porte des majeurs. Puisqu'on parle de Québécois, Abraham Thoreau, tu es d'accord avec moi que peut-être qu'un changement de décor, ça lui ferait du bien? Un changement d'organisation? Oui, écoute, moi, je pense que la pire affaire qui est arrivée à Abraham là-dessus, c'est le changement de gérant. OK. Tu sais, il est arrivé avec Houston, AJ Hinch était là, AJ Hinch l'aimait beaucoup. Ça te prend toujours quelqu'un de puissant à l'organisation qui t'apprécie et qui te donne, tu sais, ça va te permettre de donner une chance. Et lorsqu'il y a eu le scandale, puis qu'on a congédié Eddie Hinch, on est obligé de refaire un peu sa réputation. Tout ce qu'il avait fait, là, c'était un peu effacé, puis il fallait qu'il refasse devant Dusty Baker. Je dis pas que c'est la faute à Dusty Baker, je dis juste que c'est dur, tu sais, puis c'est dur d'avoir l'étiquette de joueur réserviste quand tu sais que peut-être que tu peux jouer de façon régulière. On dit des fois faut reculer pour mieux avancer. C'est un gros pas de recul. Et là, je parle pas parce qu'il est rendu au niveau 3, c'est parce que pour lui, il avait atteint ses objectifs, puis là, il est obligé de recommencer ça. Ça prend une bonne force de caractère. On lui souhaite, il est capable de faire dans le cas d'Abraham Taureau. Mais c'est vrai que s'il pouvait s'en aller ailleurs dans une organisation, recommencer un nouveau départ, ça pourrait pas nuire à ce niveau-là. Ceci étant dit, lorsqu'il aura la chance de revenir, il faut qu'il saisisse la chance. C'est ça qui est dur, parce que parfois, tu as juste quoi, un match, deux matchs, tu sais, 5, 6, 7 présences au bâton, puis ça va pas, ben là, c'est... Alors, c'est il est vraiment dans une position ingrate, mais il a tellement de talent, il veut tellement que... C'est loin d'être terminé, là, l'aventure d'Abraham Taureau dans le baseball majeur. Là. On va parler maintenant des matchs sans point ni coup sûr. 6 matchs sans point ni coup sûr, c'est vraiment surprenant. Hein? C'est-tu un record dans le baseball? Ben, c'est-à-dire que le record est de 7 dans une saison. Ouais, 7, OK. Fait qu'on est déjà à 6 à la mi-mai, ou en tout cas 3 quarts de mai. Fait, là, alors, on s'en va vers un année record. Ça ressemble à 1900 sur les 8, hein? Ben, écoute, oui, mais c'est parce que ce que tu regardes, les gars qui ont lancé des matchs sur un point de coup sûr, il n'y en a pas une tonne là-dedans qui lance 98 ou 100 000 à l'heure. Ouais. C'est des gars, tu sais, Corey Kluber lance à 92, 93. Ben, moi, je suis content pour eux autres. Mais alors, ben, écoute, je pense qu'il faut, peu importe le nombre de matchs en point de coup sûr, il faut les apprécier. Ouais. Ça reste un exploit hors pair. Mais ce que ça dit, c'est que là, il va falloir que les frappeurs se réajuste à tout ça. Bon, on a eu les belles années où la balle voyageait, le fameux launch angle, on dévissait sur chaque lancer, peu importe le compte. Écoute, imagine-toi Tony Gwynn, ce qu'il penserait du baseball, des frappeurs d'aujourd'hui. Là, il faut juste revenir à ce qui se faisait un peu mieux. Il faut juste avoir ce qu'on appelle du bat control. Il faut être capable de frapper à tous les champs. Je sais que c'est pas tous les frappeurs, mais tu sais, t'as un deux prises. Longtemps, là, t'avais avant deux prises, t'étais en mode attaque. À deux prises, t'étais en mode plus contact. On accepte, tu sais, Philippe Allou, il acceptait pas le retrait sur des prises. Il aimait pas ça. Pourquoi qu'il trippait pas sur Henry Rodriguez? Parce qu'il y avait trop de retraits sur des prises. Il veut des gars qui mettent la balle en jeu. Tu sais, imagine-toi, Philippe, aujourd'hui, dans le baseball d'aujourd'hui, il disait, ça n'a pas de bon sens, les gars qui swingent, changez-moi cette mentalité-là. Fait que, tu sais, c'est des phases, c'est des cycles. J'ai l'impression que les frappeurs, il faut que les frappeurs se mettent dans la tête que, de tenter de soulever la balle, c'est que ton bâton est moins longtemps dans la zone de contact, de tenter de frapper un circuit à deux prises, plus souvent qu'autrement, tu vas échouer. Fait qu'on est-tu capable de, tu sais, raccourcir les élans, c'est d'être un petit peu plus en mode contact. La puissance va être quand même là. Les gars lancent 95 000 à l'heure plus aujourd'hui. Fait que t'as pas besoin de générer tant de puissance avec, tu sais, la force de tes bras, là. Alors, il y a plein d'aspects mécaniques qui peuvent changer, mais aussi, surtout, un aspect approche vis-à-vis la balle. Oui, les lanceurs sont bons. Oui, ils font bouger la balle. Mais c'est vraiment une combinaison de l'approche des frappeurs qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une domination totale des lanceurs statistiquement. Ben, moi, j'aimerais voir la nouvelle génération de joueurs là, s'ajuster un petit peu mieux. Je suis content pour ces lanceurs-là parce que, tu sais, on le dit souvent, je sais pas si c'est avec toi, j'en avais parlé, Greg Maddux, c'est pas un choix de première ronde aujourd'hui. Tom Glavine, c'est pas un choix de première ronde. C'était des lanceurs de finesse, puis c'est aussi bon, là. Moi, je pense que honnêtement, Greg Maddux en baseball d'aujourd'hui a autant de succès. Et je te dirais peut-être même plus. Okay. Parce que lui, là, bon, premièrement, sa précision était comme un chirurgien. Là. Il mettait ça à peu près où ce qu'il voulait. Puis sa grande force, c'est qu'il. Mais imagine-tu avec les gars qui dévissent aujourd'hui à deux prises, comment qu'ils. Je pense que son nombre de retraits sur des prises augmenterait considérablement avec le même taux de succès. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que les frappeurs. Il faut développer des frappeurs qui sont capables de frapper un à tous les champs, puis qui sont capables de mettre la balle en jeu un petit peu plus. Je comprends que les défenses adaptées, là, c'est un peu plus tough des fois, mais ça reste qu'il y a une manière de contrer ça. Encore une fois, tout est dans l'approche du frappeur. Les frappeurs sont rendus bons aussi, là, parce que 95 000 à l'heure plus, là, il y a une vingtaine d'années, tu en avais un ou deux par équipe. Là, tu en as 8 ou 9 par équipe. Les frappeurs aussi sont meilleurs, mais il faut que là, leur approche soit différente. Ce que je veux dire, Marc, c'est que les dépisteurs regardaient pas les lanceurs. Ils commencent à regarder les lanceurs à 95 000 à l'heure. Puis souvent, c'est ce type de lanceur-là. Tu me l'as dit souvent, Maddox, c'est pas un choix de première ronde, juste à cause de ça. Qu'il lançait pas la balle à 95 000 à l'heure. Ouais. Pourtant, c'est comme dire, Alex Agostino, il m'a déjà dit, il y a des camps pour les jeunes. Si t'as pas 6 pieds, présente-toi même pas. Ouais. Ça veut dire que Mookie Betts ne peut pas se présenter, que Alex Bregman ne peut pas se présenter, que Andrew Benintendi ne peut pas se présenter, que tu sais, Alex Bregman, tu sais, on peut y aller longtemps là avec des gars que tu peux pas te présenter. Ça n'a pas d'allure de penser comme ça. Tu es un bon athlète, ben tu vas réussir à le faire. OK. Marc, dernier point, je me rappelle de ce que tu avais dit en début de saison là, lors d'une des deux émissions. Vous aviez enregistré des émissions à RDS. Avec Pierre Arsenault, tu avais dit « Tony La Russa, ça va passer ou ça va casser. Il n'y aura pas un entre-deux. » Là, là, les White Sox vont bien. Je pense qu'ils sont au premier rang de leur division, mais la guerre est pognée à Chicago avec les joueurs. Je suis certain que tu n'es pas surpris de ça. Non, je ne suis pas surpris de ça. Comment ça va finir? Le baseball a évolué. Ouais. Le baseball a évolué, puis ce qui s'est passé avec Yordan Mercedes, là, je m'excuse, mais ce que La Russa est en train de faire ou dire, c'est ce qui s'est passé il y a 25 ans. Ouais. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, tu te fais planter par 11 points, tu es tellement pas bon aujourd'hui que tu mets un joueur de position comme lanceur. Puis lui, Mercedes, qui a 28 ans, qui a attendu longtemps dans la salle de baseball majeur, qui veut aller chercher finalement un gros contrat, tu transportes pratiquement ton attaque depuis un bout de temps. Puis là, tu tapes dessus parce que monsieur s'élance sur un compte de 3 balles aucune prise contre un joueur de position puis qui met l'autre bord. Moi, tu sais, hey, il faut avancer dans la vie. Là. Ça n'a pas de bon sens de penser ainsi. Moi, faut que tu défendes ton joueur comme gérant. Puis là, tu te mets. Puis Tim Anderson, qui est un peu le capitaine de cette équipe-là avec Abreu. Puis. Écoute, les gars, ils n'en reviennent pas, là. On n'est pas là pendant tout. Alors moi, c'est ça. En fait, c'est une des raisons pour laquelle j'aimais pas cette nomination de La Russa. C'était justement pour ce genre de situation-là. Puis là, en tout cas, pour l'instant, ça me donne raison. Comment ça va finir? C'est ça. Parce que comme tu l'as dit tantôt, ils gagnent. Ouais. T'sais, à la fin de la journée, là, c'est ça qui compte. On gagne-tu ou on gagne pas. Mais... je sais pas, faudrait il pas poigner. Il est très proche de Jerry Krause, qui est le propriétaire des White Sox. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a embauché. Ouais. Je veux dire, mais ça reste que, bref. En fait, le premier vrai test va être dans le premier passage à vide de l'équipe. Ouais. Tu sais que, tu sais, t'empêches 7 sur 10, le moment donné, puis whoop, parce que ça va arriver inévitablement, là, une saison, c'est trop long. Là. Et là, comment on va s'en sortir? Alors, je ne sais pas. Mais c'est sûr que quand ton vestiaire est un peu, pas séparé du gérant, mais que tu vois que les philosophies diffèrent, ça peut amener des problèmes. Mais heureusement, pour l'instant, il continue à gagner. Puis c'est à Chicago, donc on ne sait jamais, il va y avoir de la pression. Ça serait Seattle, ce serait moins pire, ce serait des petites. Mais Chicago, ça risque de. Ça fait couler beaucoup d'angle. Marc, merci beaucoup. On s'en parle bientôt. Très bien. Salut, à bientôt. Marc Griffin.